Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro du RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 83e émission, nous vous proposons une émission spéciale en compagnie de Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous, Pierre ? Très bien. Vous revenez de Grèce ? D'Athènes, très précisément. J'ai lu sur votre blog, effectivement, que vous avez eu un entretien avec le chef... D'Aube Dorée. Attention, hein, c'est un sujet politiquement incorrect. Hein. Nous allons en parler dans un instant, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je me trouve avec Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors vous, Alain Soral, vous revenez du Havre, où se déroulait l'une des étapes du tour anniversaire ER à travers toute la France. Comment s'est passée cette étape ? Eh bien, très bien, comme ailleurs. Ça s'est bien passé à Perpignan, ça s'est bien passé à Nice, ça s'est bien passé à Lille, ça s'est bien passé à Lyon et ça s'est bien passé au Havre. Ce qui veut dire que dans toutes les villes de France, quelle que soit la latitude, nous avons un groupe ER, un groupe de militants motivés, sympathiques. Ça me remonte le moral après la défaite Macron. Ça m'a fait beaucoup de bien. On rappellera d'ailleurs à nos auditeurs que la prochaine étape du tour anniversaire se déroulera à Nantes le samedi 24 juin. Tous les renseignements se trouvent sur le site d'Égalité et Réconciliation. Enfin, chers auditeurs, nous nous trouvons également avec Xavier de la revue Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Pierre Jovanovic, je le disais en introduction, vous revenez de Grèce, où vous avez pu vous entretenir avec le chef du parti Aube Dorée, Nikos Mikaloliakos, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Absolument. Qui sort de 2 ans de prison. Mais avant de parler de cet entretien, dites-nous, Pierre, dans quelle situation se trouve la Grèce 2 ans après l'élection de Tsipras ? Écoutez, après 2 ans de trahison, la Grèce est dans un état absolument déplorable. Moi, je vais à Athènes à peu près depuis 2012, hein, en reportage régulièrement, parce que je considère que nos amis grecs ont 5 ans d'avance sur nous dans les mesures d'austérité. Et là, pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment, je ne vais pas dire bouleversé, mais presque. C'est que quand on fait le tour du Parthénon, vous savez, il y a plein d'échoppes, il y a plein de magasins, plein de petites boutiques, de souvenirs, etc. C'est une marche qui fait à peu près, je dis ça de tête, on va dire 4 km, 5 km pour faire le tour du Parthénon. Et par rapport à mon reportage de l'année dernière, à peu près 30 à 40% des boutiques ont fermé entre-temps. Alors, c'est même pas depuis 2009, c'est depuis 2016. Je le montre sur ma revue de presse. Hein. Alors, c'est à mettre en parallèle avec une mesure qui va entrer en action en France l'année prochaine, c'est-à-dire l'obligation pour les auto-entrepreneurs et pour tous les commerçants d'avoir un logiciel et une caisse enregistreuse qui soit intraficable, non modifiable, etc. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de coffre-fort à destination du fisc, hein, et pour les écritures comptables. Et les boutiques grecques tenaient, on va dire, grâce au black, hein, grâce à l'argent liquide, hein, puisque quand j'achetais des petits trucs, des souvenirs à ramener à Paris, on me disait, bon, si vous payez en cash, on vous fait 20% moins, quoi, ou 15% moins. Là, l'intégralité des machines qui à l'intérieur des boutiques ont été donc remplacées. Du coup, les commerçants n'ont plus ils ont plus le volant, l'oxygène qui leur permet de garder la tête hors de l'eau, et du coup, ils ont été massacrés. Massacré. C'est incroyable. Je vais chaque année, tous les 2 ans, on va dire, à Athènes. Là, l'évolution de 2016 à 2017 a été absolument phénoménale. Sans parler parce qu'ils en sont à leur 4e plan d'austérité. Je ne sais pas si vous réalisez. Ils appellent ça un mémorandum de la Troïka, hein, mais 4e plan d'austérité. Ce qui fait que les gens qui avaient, les retraités qui avaient 1100 euros de retraite se retrouvent, on va dire, à 350 euros, 400. Voilà. Et ils ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont juste de quoi manger, je ne vais pas dire du ronron, mais presque. Mais ils ne peuvent plus aller partager un café avec leurs amis le soir comme on fait dans tous les pays orthodoxe et du Sud. Et c'est une situation absolument dramatique parce que en même temps, vous avez eu 14 000 entreprises grecques qui ont délocalisé en Bulgarie pour échapper à toute la, au massacre de la TVA que Tsipras bien entendu a augmenté, hein, et ainsi de suite. Tout ça n'a fait qu'augmenter, hein, depuis la crise. Donc la Grèce, c'est nous dans 5 ans, hein, voilà, techniquement. C'est, d'accord. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en Grèce depuis 2 ans? Tsipras, vous nous dites, n'a pas résisté aux injonctions de l'Union Européenne. Non, justement, les Grecs ont voté pour Tsipras. J'y étais au moment des élections, il y a 2 ans. Ils ont voté pour Tsipras de manière à ce qu'ils sortent de l'Europe, à ce qu'ils reprennent l'indépendance de la Grèce et qu'il imprime des drachmes. Hein, voilà. Et en fait, il n'a pas su... Bon, il faut dire qu'avec son ministre des Finances, Varoufakis, hein, il n'était pas aidé. Hein, mais techniquement, il a trahi le peuple grec, mais d'une façon tellement énorme qu'aujourd'hui, le parti Obdoré est devenu le troisième. Alors que en 2012, ou 2013, lorsqu'il avait fait, il avait fait son entrée fracassante à l'Assemblée nationale grecque, c'était le cinquième parti. C'est ça qui est énorme. Hein, voilà. Donc moi, j'ai tanné le service de communication d'Obdoré depuis 2012, parce que je voulais une interview. Donc ça fait... Et là, finalement, je l'ai obtenue. Hein, donc voilà. Et c'était une interview extrêmement intéressante. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. La presse grecque, des médias, etc., l'ont toujours présenté comme un gros lourdeau. Alors que le type est d'une finesse, d'une intelligence absolument remarquable. C'est pas un enfant de cœur, je vous l'accorde, mais c'est pas du tout le peintre en bâtiment qu'on comparait à Hitler, etc. C'est bien plus, c'est un intellectuel de très haut niveau. Hein, j'étais vraiment surpris, hein, je vous le dis. C'est ça. Alors, c'est ce que vous racontez sur votre blog. Dites-nous, Nikos Mikaeliakos a fait 2 ans de prison. Pourquoi exactement ? 18 mois. Parce que le parti Obdoré avait pris une position prépondérante dans la scène politique grecque. C'était le seul parti qui défendait les Grecs. Tous les autres partis ne défendaient pas les Grecs. Ils étaient plus sur la ligne européenne, etc. Le parti Obdoré, par exemple, distribuait de la nourriture tous les Grecs, etc. Ça... Ce qui leur est interdit maintenant. Et l'Assemblée, les parlementaires grecs ont voté une loi spécialement pour Obdoré pour leur interdire de distribuer de la nourriture. C'est tout à fait extraordinaire. Non, mais voilà. Et il y a eu cette fameuse affaire que j'appelle ça une affaire de couleur d'affiche, hein, tout simplement, où le rappeur grec Antifa avait été tué par un membre d'Obdoré. Et donc, à la suite de ça, la seule chose qui permettait au pouvoir grec en poste de se débarrasser d'Obdoré, c'est d'accuser Mikaeliakos et tous les députés d'appartenir à une organisation criminelle, parce que dans les lois qui régissent le Parlement grec, c'est ce qui leur permet de les mettre en prison directement sans passer par la case immunité diplomatique, immunité parlementaire. Voilà. Donc ils ont... Et aujourd'hui, moi, je suis revenu d'Athènes avec un scoop. Hein, parce que pour les Grecs, c'était tellement évident que personne ne m'en a parlé. Moi, je suis tombé des nues. L'assassin qui avait reconnu, qui était un ancien membre du Parti communiste grec, hein, qui était passé Obdoré, l'assassin a été remis en liberté, bien qu'il ait reconnu qu'il ait tué le rappeur, hein, clairement, hein, ils ne s'en cachent pas. Il a été remis en liberté pour service rendu. Oui, c'est ça, oui, pour service rendu. Il a été remis en liberté au bout de 30 mois Et j'ai dit, je me souviens, je me revois encore, je dis, pardon, vous pouvez répéter, je demandais à la traductrice, vous avez bien traduit là, c'est vos... Et j'ai posé la question à mon avocat, qui est professeur de droit à l'université de Reims, grand prof de droit, c'est un pacha. Il m'a dit, c'est un déni de justice. C'est la première chose qu'il m'a dite, un déni de justice. Donc voilà, moi, c'est ce que j'explique effectivement dans ma revue de presse, c'est que là, on dirait que effectivement, c'est un remerciement pour un service rendu. Voilà. Et c'est très clair. Et j'étais choqué par ça. Il s'était passé la même chose en Italie avec Casapande. Tu sais, où il y avait un type qui sortait de l'asile à qui ils avaient donné un permis de port d'armes et qui avait tiré sur des Noirs sur un marché, et après qu'il ait intégré, tu sais, Casapone depuis 15 jours, tu sais. Donc on voit vraiment des vieilles méthodes de police d'État, tu sais. Mais c'est vraiment ça. Mais moi, ça me fait penser, je ne sais pas, vous êtes trop jeune, mais Alain, ça peut peut-être dire quelque chose. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, c'est un film d'ailleurs, ça s'appelait Z, oui, de Vassilikos. C'est un film avec Yves Montand. Et ça raconte, en fait, et Jean-Louis Trintignant dans le film, et ça raconte, en fait, l'assassinat d'un député socialiste, pour le coup, toujours en Grèce. Et donc là, en boîte, c'est les vieilles méthodes grecques. Hein, on déstabilise Obdoré, parce que c'était le seul qui s'opposait effectivement à la mise en esclavage des Grecs par la Troïka. Et puis on fabrique Tsipras qui dit « Avec moi, vous aurez la même chose, mais en plus, nous, on n'est pas des méchants, on est des gentils. » Absolument. Parce qu'en fait, la montée de Tsipras, c'était les gens qui étaient tentés par Obdoré. Et en fait, ils promettaient de leur donner en gros la même chose, mais en étant venant de gauche, quoi. Et puis finalement... Et avec un profil un peu à la Renzi, à la Macron, jeune, dynamique... C'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je fais une parenthèse là-dessus, hein, parce que ça a à faire avec Macron. Lorsque vous avez vu les élections, c'était en Italie, c'était en décembre ou en novembre dernier. Le Premier ministre a perdu les élections puisque les Italiens ont voté à 65% contre lui. Et donc, il a aussitôt, après avoir vu la victoire de Macron, il a décidé de créer un mouvement politique italien qui s'appelle En Marche. Et maintenant, il va se représenter aux élections dans la même dynamique que Macron. C'est très intéressant d'observer ça. Et le premier coup d'essai de ce type, c'était Kadima en Israël. Hein. C'était Tzipi Livni il y a déjà une dizaine d'années. En tout cas, ce que j'ai vu, ça, je m'en souviens, parce que quand j'étais aux élections législatives d'Athènes il y a deux ans, la seule personne que les pro-européens avaient réussi à faire venir pour faire un discours public à Athènes, c'était l'animateur de TF1. Nikos Aliagas. Nikos Aliagas. Qui techniquement au grec, je veux dire, c'est l'or des rien quoi. Mais sur les télévisions, sur les chaînes de télé françaises, ils nous ont présenté comme un accueil triomphal réservé à Nikos Aliagas en disant votez pour l'Europe quoi. Alors que les Grecs l'ont envoyé se promener. Il y a la même chose en Espagne aussi, non ? Espèce de mouvement. Podemos. Mais ce qui est aussi important au niveau de Tsipras, c'est que son élection a permis de faire sauter un verrou par rapport à l'arrivée de migrants, comme la destitution de Kadhafi a permis de faire sauter un verrou au niveau de la Libye. C'est exactement dans ma revue de presse, là, je donne quatre cas, hein, qui est un résumé de la trahison de Tsipras du peuple grec. Il y a l'exemple, et ça c'est absolument remarquable, j'en croyais pas mes oreilles, je vous assure, je dis c'est pas possible, ils ont pas fait ça, si. Après le coup d'État à Erdogan, il y a quatre, alors je sais pas si c'est des policiers ou des militaires, peu importe, on va dire que c'est des officiels du gouvernement turc, qui ont franchi la frontière grecque pour demander de l'asile politique. Hein, c'est l'asile politique. Et au lieu... vous connaissez l'animosité entre Grecs et Turcs. Là, pour le coup, les Grecs auraient dû les accueillir à bras ouverts. Et Tsipras a dit non, on les met en prison. C'est-à-dire d'office, ils les ont mis en prison et ils ont refusé l'asile politique. Alors qu'au même moment... Et d'ailleurs, je pense que Mikael Oliakos le dit à un moment donné dans son... Ou c'est un autre interview, je ne sais plus. Au même moment, donc... 100 000 migrants entraient en Grèce, alors que les quatre pauvres mecs qui demandaient l'asile politique à Athènes ont été mis en prison. Non, mais c'est du délire, quoi. C'est dingue. Ce qui n'est pas très drôle, c'est qu'on voit très bien que la Grèce, c'est le laboratoire pour voir ce qui est acceptable et ce qu'on pourra faire en France demain. Tout à fait d'accord. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que les Grecs sont en train de se faire dépouiller entièrement, puisque là, ils viennent de vendre tout leur réseau ferroviaire pour une somme dérisoire. Et il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révolution. Et je pense que c'est vraiment le laboratoire. C'est le laboratoire qui permet de voir, parce qu'en plus je pense qu'il y a vraiment une parenté entre la France et la Grèce au niveau du peuple, hein, absolument, de sa sensibilité. Absolument. Et là ils sont en train de se dire, on va pouvoir faire la même chose à la France demain. Et Macron n'est pas là par hasard. Ah mais Macron de toute façon va appliquer exactement le même plan qu'à la Grèce. C'est un plan défini par la Troïka. Et en plus s'il y a une trop grande colère du peuple, il ira chercher comme premier ministre de cohabitation de gauche Mélenchon, qui n'oublions pas, est le Tsipras français, l'a déjà revendiqué. Absolument. Et Attali lui a promis qu'il serait premier ministre dans pas trop longtemps. Donc quand est-ce qu'il lui a promis ça ? Sur France 2 en direct, il y a eu un débat en direct. Attali lui dit mais tu peux être premier. Donc ils ont déjà un plan B. On a la même vision du monde. Tu seras premier ministre. Ils ont déjà un plan B pour nous enfumer encore genre 2 ans de plus. Tu sais, 2 plus 2 égale 4 pour tenir jusqu'à la pré-campagne dans encore 5 ans. Et Pierre, je parle sous ton contrôle, mais même au niveau des acteurs, on voit très bien que c'était Pigas et Lazare qui étaient la renégociation de la dette grecque et que Rothschild vient de prendre le relais il y a quelques mois, il me semble. Bah, c'est ce que, en fait, c'est Michael Oliakos qui m'a appris ça. Il m'a dit que Tsipras a été à l'enterrement, il est allé pleurer à l'enterrement de Fidel Castro à Cuba, et ensuite il a pris un avion, son avion a atterri à Paris, où il y a eu des négociations secrètes avec la banque Rothschild, et la signature, un accord entre le gouvernement grec et la banque Rothschild française, pour permettre donc à la Grèce de revenir sur les marchés financiers, hein, c'est-à-dire pour mettre en valeur les bons du Trésor, etc., etc. Voilà. C'est Michael Oliakos qui m'a appris ça. Moi, je tombais des nues. Là aussi, c'est une super information parce que c'est sorti nulle part, ça. C'est vraiment incroyable. Il y a incroyable. Eu un petit écho dans les échos, justement, mais vraiment deux lignes. Oui, oui, c'est ça. Ça doit être deux mots et une virgule et deux autres mots et un point. Alors, malgré... Ça s'appelle une mini-brève. Voilà. Malgré tout ce qui ressort de votre entretien avec Michael Oliakos, c'est que Obdoré monte en puissance, malgré cette stratégie d'emprisonnement préventif du chef du parti. C'est normal que, de toute façon, je veux dire, tous les retraités là, se font dépouiller. Vous le dites, 200 millions d'euros ont été pris sur les retraites, ouais. En France. Attention, là c'est pour les maisons de retraite, c'est un budget. Là, le gouvernement Macron, les deux premières choses qu'ils ont faites, c'est, je crois que c'est 2,6 milliards qu'ils ont enlevé au ministère de la Défense et 200 millions pour le financement des maisons de retraite publiques. Pardon. Il se passe exactement la même chose à Athènes, mais il s'est passé quelque chose déjà. Simplement, c'est une information que j'avais donnée il y a à peu près 4 ans, à propos d'Athènes justement, où vous savez, quand vous avez des parents un peu âgés qui peuvent plus se déplacer, etc., on les a mis dans des maisons de retraite, et comme ils ont été gravement touchés par la crise, ils ne pouvaient plus payer la maison de retraite. Donc ils ont été obligés d'aller sortir leurs parents des maisons de retraite grecques et de les emmener chez eux, ce qui détruit la vie de couple, évidemment. Enfin bon, bref, c'est une série de mini-catastrophes à titre personnel, les unes après les autres. Et c'est ce que m'a dit Michael Oliakos, il y a eu 6 000 suicides en Grèce à cause de la crise économique. Moi, j'appelle ça un génocide économique, tout simplement. Et alors, je me souviens du petit reporter là, du petit journal là, de Canal+. Il était à Athènes en même temps que moi et il nous a fait une grande émission de pleureuse sur le rappeur. Alors qu'en fait, c'était une histoire de couleur d'affiche. Et maintenant, on voit que c'est même plus une histoire de couleur d'affiche, c'est une histoire télécommandée quasiment. Alors j'ai une question, on sort des élections présidentielles en France et on entend ici et là que c'est la ligne sociale et anti-euro qui est à la cause de l'échec de Marine Le Pen. Or vous voyez un parti qui est en train de monter sur une ligne vraiment radicale et sociale, radicale sur les symboles et extrêmement sociale. Comment vous avez analysé la situation française par rapport à ce que vous avez vu en Grèce? Je vais vous répondre par l'interview de Michael Oliakos, parce qu'il a abordé le sujet sans que je lui demande. Techniquement, il a dit que Marine Le Pen, en fait, n'a pas été assez dure sur sa ligne, et que c'est pour ça qu'elle a perdu, tout simplement. Je veux dire, Marine Le Pen est devenue très soft, alors que aussi bien Trump que Michael Oliakos n'ont pas changé leur ligne d'un iota. Iota, c'est grec, hein, je précise. C'est un petit clin d'œil. Chose très intéressante, malgré tout, dans cette interview, il préconise en France une alliance... Pourquoi malgré tout ? une alliance en France entre le parti de Mélenchon et Marine Le Pen. C'est l'opposition. C'est l'opposition. L'opposition, effectivement, aurait pu freiner Macron, mais on sait pertinemment que Mélenchon va tout faire pour faciliter il a tout fait pour en faciliter. Fait, on le voit d'ailleurs pendant ces législatives. On parle des électeurs de Mélenchon et des électeurs de Marine Le Pen, hein, plutôt que de Marine Le Pen et Mélenchon. C'est quand même, de fait, l'addition des deux forces qui résistent à la déferlante mondialiste et qui ont une conscience du lien profond entre le politique, le social Absolument. Et l'économique. Tout à fait d'accord. Donc, et d'ailleurs, c'est l'analyse inverse de ce qui sort en ce moment là, avec Ménard et Alliot, qui disent que Marine a perdu parce qu'elle a fait trop de social et qu'il fallait revenir sur l'union des droites, alors qu'on sait très bien que l'union des droites avec le Front, ça tournait autour de 15%. Et en plus, il n'y a plus d'union des droites possible puisque Macron a fait le parti unique et qu'il a mis à poil la droite. Donc si on faisait l'union des droites aujourd'hui, c'est le Front National plus les cadavres qu'il y a derrière Fillon, ça ferait encore moins de 15%. Mais... Ça c'est intéressant, d'autant plus que j'ai écouté Zemmour sur RTL, je sais pas, il y a deux jours ou trois jours, je sais plus, et Zemmour disait quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai écrit lundi dernier. Il a dit que Marine Le Pen n'était plus légitime. Du fait de son de la départ de la présidentielle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Front National est absolument divisé en plusieurs morceaux. Mais vous dites que c'est un gruyère. Bah oui, c'est un gruyère, quoi. C'est vraiment ça. Et en fait, on se rend compte... Et c'est un gruyère, mais Syriza, je reviens là-dessus, Syriza, c'est un gruyère. C'est une association de plein de mini-partis d'extrême-gauche qui se sont rassemblés sous l'étendard Syriza et qui ont pris le pouvoir comme ça, parce que exactement comme en France en ce moment, les partis classiques, les socialistes, la droite classique, a été balayée. Les Grecs ont 4 ans, 5 ans d'avance sur nous. On le voit bien là, dans ces législatives. C'est fascinant d'ailleurs. Oui, c'est pas donc le salut du Front National ne passera pas par l'union des droites dont parle Alliot et comment dirais-je, et Collard. Alors que Macron a rebattu les cartes intégralement et que la droite est à poil et supplie Macron de les garder. Et que de toute façon, si on faisait l'alliance de ce qui reste du Front National et de ce qui reste de Fillon, ça ferait très très peu en réalité. Donc c'est marrant parce qu'il y a toujours cette colère de la vieille extrême droite, finalement bourgeoise, qui se plaint de la ligne sociale du Front, alors que quand même, le Front a multiplié par deux son nombre de voix depuis qu'ils sont sur la ligne sociale, puisque Gérard Le Pen père n'a jamais dépassé 18, et le virage social du Front a amené quand même à 33. Le problème, c'est que 33, c'est pas 50, et que de toute façon, même doublé, avec tous les sacrifices de la dédiabolisation idéologique, ça n'amène pas au pouvoir. Donc en fait, la colère de l'extrême droite, c'est dire Marine a fait tous les efforts que le système a exigé et malgré tout, elle n'est pas arrivée au pouvoir. Bon, ça, c'est un constat évident. Elle a servi de sparring partner pour donner l'illusion que Macron avait été plébiscité avec 65, alors qu'en fait, les gens ont assisté... 66,6. Ouais, les gens ont assisté à un spectacle, quoi. Ils ont assisté à un spectacle et ils ont applaudi, genre bien joué, mais il n'y avait personne dans les rues. Hein. Mais ça veut dire que la réaction de l'extrême droite en colère, c'est-à-dire on devrait revenir aux fondamentaux, tu sais. Mais les fondamentaux de l'extrême droite, il faut qu'ils se rappellent quand même, c'est 2%. Et quand, avec le talent de Le Pen et la crise, ça peut arriver par accident quand un Jospin dit des conneries, ça peut faire 17,9. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que par les urnes, jamais un mouvement authentiquement patriote et qui résiste à la déferlante mondialiste n'arrivera à la majorité par les urnes. La preuve, c'est que même si Obdoré avait pu, à mon avis, penser y arriver, ils ont tous foutu en tôle et ils en ont assassiné certains, parce que t'en as pas parlé. Ils ont buté Absolument, ils ont buté deux types. C'est-à-dire qu'à mon avis, il faut se poser la question que la démocratie électoraliste est faite scientifiquement pour que jamais les patriotes qui voudraient résister à la dictature de la finance ne puissent arriver au pouvoir par les urnes. C'est clair et net. Donc maintenant, il faut dire que soit on fait autre chose dans la vie, hein, on se retire du politique, soit on se dit que par les voies démocratiques, on ne peut au mieux que servir de sparring partner, c'est-à-dire d'être au deuxième tour pour ne faire que 33. C'est scientifiquement fait pour ça. Mais voilà. Justement, Mickaël Oulliakos aborde le sujet dans l'interview, c'est même très, très intéressant. Lui, il a payé pour voir. Hein. Lui, il a payé pour voir. Et il dit que de toute manière, et là-dessus, on est d'accord. Hein, vous êtes bien placé ici. Moi, je parle du scandale de la planche à billets depuis maintenant 2008, en disant que toute société qui fabrique de la monnaie de singe finit par exploser en plein vol. Et paradoxalement, Mickaël Oulliakos dit exactement la même chose. Et lui se base sur les analyses de Spengler. Je sais pas si Alain Oswald. Il dit que après l'ère de l'ère. Alors, il parle d'une ère. Hein, c'est très précis. L'ère de la monnaie de singe vient l'ère du César, c'est-à-dire de ce que nous, en français, on appelle l'homme providentiel. Le bonapartisme, etc. Et je pense que là, on est effectivement parti vers une sorte de bonapartisme parce qu'il ne peut y avoir, que ce soit Macron qui soit élu, ou Marine Le Pen, ou Mélenchon, peu importe, on ne changera rien au fait que l'endettement officiel de la France soit à 100% et le vrai endettement de la France soit à 150, soit à 160%. Je rappelle d'ailleurs, proche à Marine Le Pen d'avoir fait une politique électorale essentiellement sociale. Elle a eu beau parler de gestion, elle n'a jamais remis en question la dette qui est un racket. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait de la comptabilité compatible avec ce que l'économie autorise faire. Et c'est en ça qu'elle s'est noyée d'une certaine manière. Elle a fait du Asselineau. C'est-à-dire qu'elle est rentrée sur le terrain de l'adversaire en validant en fait la science économique, qui est quand même un masque du pouvoir politique. Et c'est ça son échec. C'est pas qu'elle a fait du social, c'est qu'elle a fait, je dirais, de la comptabilité. En fait, elle a fait de la comptabilité. Elle a fait de la comptabilité en respectant les règles du libéralisme comptable. C'est pas du tout radical en fait ça comme attitude. C'est pas, elle a pas fait du social radical en fait. Elle a fait du social autorisé. Et elle s'est noyée finalement. Elle s'est Non, mais l'histoire du débat présidentiel, pour revenir, enfin, moi, j'ai le sentiment que ça a été un coup près. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que elle s'est guillotinée littéralement. Ce qu'elle a montré aux Français, c'est qu'elle n'était pas présidentielle. Oui, oui, non, mais il faut lire ce qu'écrit Patrick Buisson dans La Cause du Peuple. Il rapporte les propos de Nicolas Sarkozy en 2012, qui n'en revient pas et qui dit, mais heureusement que la mère Le Pen est mauvaise comme un cochon. Et il dit, sinon je passe pas, quoi. Je passe même pas au second tour. Il y a un contexte de fou, il y a la Libye, il y a la crise, il y a toutes les conditions les sont réunies, comme on dit dans l'extrême gauche. Les conditions sont réunies et elle est mauvaise comme un cochon. Et il faut lire Patrick Buisson, voilà. Alors malgré tout, on a BFM TV qui nous dit que la croissance va reprendre, Pierre Jovanovic. Ça c'est Nicolas Dos qui nous a expliqué ça jeudi dernier, je l'ai entendu en direct, c'est absolument extraordinaire, alors que la Banque Centrale Européenne et leurs prévisions sont tout à fait... quand je parle la Banque Centrale, c'est Monsieur Mario Draghi qui a fait une conférence en Estonie, comme il le fait d'habitude, la grande conférence, le grand Raoult de la BCE. Et il a dit, je maintiens les taux d'intérêt à zéro. voire même négatif. C'est-à-dire que les banques... 0,1, 0,25 et moins 0,40. D'accord, donc il faut expliquer à nos auditeurs ce que ça implique. Bah, c'est-à-dire que les banques... Ça implique que c'est nous qui payons. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. C'est notre pognon. Ça veut dire que la crise est plus grave que jamais, puisque vous avez un taux d'intérêt négatif de 0, ça moins 0,40. C'est-à-dire que le déposant, voilà, comme nous, simplement subventionne les prêts sur ses propres deniers. Là, plutôt, c'est les banques qui vont être obligées de payer les déposants. Mais ça, c'est... Il y a d'ailleurs une banque française qui a perdu un procès à cause du Libor, parce que les gens ont demandé à ce que la banque respecte le contrat, puisque le taux d'intérêt est indexé sur le Libor. Le Libor est devenu négatif, donc ils ont dit à la BNP ou à la Société Générale, je ne sais plus laquelle, puisque le Libor est négatif, vous nous payez maintenant. Et la banque a dit évidemment non. Donc l'affaire a été portée devant les tribunaux et les banques ont perdu. Donc ça, c'est très très intéressant pour les mois, surtout pour septembre-octobre. Ça va être... Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure à propos de l'assassinat des deux membres d'Aube Dorée. Oui, ils ont tué. Parce que justement, j'ai des informations supplémentaires à ce sujet, puisqu'on m'en a parlé. Ce qui s'est passé ce jour-là, d'habitude, devant les locaux d'Aube Dorée, il y a toujours une voiture de police et à peu près 3 ou 4 policiers armés jusqu'aux dents, hein, pour garder les locaux. Ce jour-là, il y avait... c'était le seul jour d'ailleurs du trimestre, hein, où la voiture de police n'était pas là et les policiers n'étaient pas là. Voilà. Tout est dit. Et d'ailleurs, il y a l'intervention d'un député d'Aube Dorée qui a pété un plomb au Parlement, où il accusait le ministre de l'Intérieur de collusion totale pour permettre effectivement cet assassinat. C'est absolument stupéfiant de voir. Moi, ce que j'ai vu en Grèce, c'est la plutocratie qui a pris le pouvoir. C'est ce que j'ai écrit, quand un soi-disant pouvoir démocratique utilise des méthodes fascistes pour se débarrasser de ses opposants, c'est un pouvoir fasciste. Voilà. Et Pierre, est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Aube Dorée, quel est le CV, quel est le parcours justement de ce leader populiste que vous nous présentez comme un homme providentiel en puissance ? Je le vois comme un homme providentiel, comme le César, on va dire, selon Spengler. Hein, moi je le vois comme ça, hein. D'ailleurs, si vous regardez la photo sur ma revue de presse, les photos que j'ai faites dans son bureau, derrière lui il y a la couronne, hein, de César. Mais c'est une couronne qu'on voit partout en Grèce, hein. Mais quel est son parcours? Alors son parcours il était dans le sillage des colonels. Je me souviens plus du nom, vous retrouverez ça dans son interview. Il est très jeune, il a commencé à militer effectivement à l'âge de 17 ans. Il a été toujours dans la mouvance droite, extrême droite, enfin surtout anticommuniste, hein. Techniquement, on pourrait dire que c'est le parcours des gens du GUD qui sont devenus ministres des télécoms, etc. en France. Hein, grosso modo, c'est ça. Et avant, il était surtout rédacteur en chef d'un journal, Hein, il a, et c'est à partir de 92, hein, tu as l'interview, je crois, sous les yeux. 92 et 94. C'est l'interview. Oui, tout à fait. C'est là où il a décidé de présenter Aube de Rais pour la première fois aux législatives de 1992 et aux européennes de 1994. Et c'est à partir de là que Aube de Rais est devenu un mouvement véritablement politique jusqu'à la fameuse élection au Parlement européen qui a effrayé tous les médias grecs, comme Marine Le Pen effrayait les médias français. C'est très très intéressant à observer. Et il y a cette scène extraordinaire où Mikhail Ioulakos rentre dans la scène devant les journalistes et vous avez son garde du corps qui le dit « Tout le monde debout, c'est le secrétaire général de l'Aube de Rais ». Et alors les journalistes de gauche ou machin, ils regardent « Comment ? Mais enfin, on va pas se mettre debout ». Et on entend cette voix absolument « Mais debout, tous enfoirés !» Et donc ils se mettent tous debout. Et il y a ce discours de Mikhail Ioulakos qui est absolument extraordinaire, mais qui est véritablement une ode à la défense du peuple grec, quoi. C'est fascinant. Et je rajoute juste un détail, quelque chose que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, une question précédente. Tsipras a fait voter une loi en 2014, hein, donc juste après son... pour permettre à tous les migrants qui arrivent en Grèce d'entrer son papier. Non, déjà, pas de voter papier. Encore. Non, pas de voter, mais à mon avis, ça devrait tarder. Hein. Ils en seraient capables, hein. Ils en seraient capables. Pierre Joanovic, il est un sujet central que vous abordez dans cet entretien avec Mikhail Ioulakos, c'est la sortie de l'euro. Alors, lui explique qu'il serait pour une sortie brutale de l'euro. Oui. Marine Le Pen, on a vu, était pour une sortie douce, avec un système à deux monnaies. Marine Le Pen s'est mélangé les pinceaux, elle ne savait même pas de quoi elle parlait technique. Voilà. C'est ça le problème. Et vous, puisque vous êtes un spécialiste des questions monétaires et financières, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais revenir sur Varoufakis, hein, qui était ministre des Finances de l'Estrambouche. Le chauve à moto. Voilà. Un trotskiste encore. Hein, il voulait absolument... En fait, il voulait revenir. Il voulait demander... il voulait revenir au drachme, mais ils se sont rendus compte qu'en Grèce, ils se sont débrouillés, en fait, pour supprimer les imprimeries spécialisées dans la monnaie. Et nous, en France, on a le même problème. Si demain, on veut, par exemple, revenir au franc, on n'a plus autant d'imprimeries qui serait capable de fabriquer de la monnaie hautement sécurisée. Et donc Varoufakis avait même envisagé de faire imprimer la nouvelle monnaie chez les Russes. Donc, oui, sous-traité. Pour un scandale pour les Américains, pour l'ambassade pour les gens d'Assaïa à l'ambassade d'Athènes. Donc c'était absolument pas possible. Et cette sortie de... D'ailleurs, sincèrement, moi j'ai jamais compris pourquoi Athènes était dans la zone euro. Je veux dire, la Bulgarie, la Croatie, la Pologne ne sont pas dans... Ils sont dans l'Europe, mais ils ne sont pas dans la zone euro. Et ils s'en portent même très bien. C'est la destruction. Et c'est ce que dit Mikhail Ioulakos, d'ailleurs, dans l'interview. Il dit cette phrase très très forte. Il dit « Je soupçonne les Américains de vouloir détruire l'Union européenne parce qu'ils s'attaquent, ils s'acharnent sur la Grèce, qui est le maillon faible de cette Union européenne et qui plus est de la zone, de la zone euro. En ce qui nous... De toute façon, ça ne peut que bien se passer pour la Grèce si elle revient au drachme et pour nous, au franc. La preuve, on a la Pologne. Je veux dire, la Pologne, économiquement, se porte à merveille. Ils ont leur monnaie, ils contrôlent leur monnaie. C'est quand même très important. C'est un exemple que je donne toujours. Si vous me donnez votre porte-monnaie et si vous êtes obligé de me donner la permission pour vos dépenses quotidiennes, c'est moi qui vous contrôle, en fait. Hein, voilà. À partir du moment où vous n'avez plus le contrôle de votre monnaie, vous êtes mis en esclavage. Vous êtes un esclave, ni plus ni moins. Le problème, c'est que comme on fait croire que l'économie est une science, oui, et que les gens qui prétendent pratiquer cette science sont tous des libéraux au service des néoconservateurs, donc du pouvoir américain. Quand Marine dit « je voudrais sortir de l'euro », elle répète quelque chose qui est juste, mais comme elle ne peut pas argumenter derrière, les autres ils disent « ça va détruire le pouvoir d'achat des petits vieux », les gens sont terrorisés, il y a trois experts bidons qui disent « bien sûr, ça va appauvrir », etc. Et c'est la grosse arnaque de l'économie. En réalité, l'économie n'est pas une science. Si, l'économie politique, ça existe, mais c'est un rapport de force politique. On a fait croire depuis des décennies, on a transformé l'économie politique en science économique, on a mis des mathématiques scientifique qu'on a axiomatisé. Et en fait, on terrorise le peuple en prétendant que c'est une science exacte. Et malheureusement, quand Marine va sur ce terrain, elle a perdu d'avance. En fait, il faut dire, voilà, le contrôle de la monnaie, c'est comme le contrôle des frontières, c'est le pouvoir. Est-ce que la France veut reprendre le pouvoir sur elle-même ou pas? Et le reste, c'est de l'escroquerie. C'est du pipeau. C'est de l'escroquerie, c'est du pipeau. Or, comme elle a voulu, elle a accepté, parce que ça fait partie de la soumission politiquement correcte, de parler d'économie. Dès lors que tu parles d'économie dans un rapport de force... Mais on touche au nerf de la guerre. Oui, tu es face à des menteurs professionnels, avec un peuple qui n'y connaît rien, qui ne s'intéresse pas, en plus qui ne veut pas en entendre trop parler parce que ça le saoule. Et tu as perdu d'avance. C'est pour ça que le politiquement correct est un piège assez pervers, parce que ça te permet d'accéder aux médias à condition que tu respectes les règles. Et ces règles-là ne peuvent te peuvent faire perdre dans chaque débat. Voilà. Alain, pour illustrer les propos que tu viens de tenir, je veux dire, il y a... J'ai une preuve, mais phénoménale, vous l'avez tous entendu. Vous avez déjà entendu un économiste vous parler de monnaie de singe et de planche à billets. Il vous parle de quantitative easing, QE, hein. Il vous parle d'assouplissement monétaire. Mais ils n'osent jamais dire la réalité, monnaie de singe. Non, mais c'est quand même incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'est le parcours de François Lenglet, qui a 4 ans ou 5 ans... Il était anti-euro. Il n'a aucun diplôme d'économie. Il est parti en Chine, bon, il parle chinois, ainsi de suite. Mais il a grimpé, mais il y a 5 ans, il tenait à peu près le même discours que toi. Il était anti-euro, ainsi de suite, anti-finance, ainsi de suite. Il a complètement viré sa cutie et aujourd'hui, il est chef du service économique de France 2. Et il vient d'être adoubé par des milliardaires. Il vient de rentrer au siècle, et ainsi de suite. Et la dernière fois que je l'ai vu, dans un resto, il était avec 2 putes africaines. D'accord. Il avait l'air très content. À mon avis, là, t'as intérêt à faire gaffe, là, parce que là, si tu fais un procès, tu vas le perdre. Je m'en fous. Hein. Moi, je suis là pour dire la vérité. Ouais, je pense que des procès, t'en as déjà plein. Des petites rien de plus. Je viens pour deux peu. Non, mais on voit bien que le type, il a accédé au confort. C'est tout. Il a accédé au confort. À la limite, sa vie privée, sa sexualité, on s'en fout, quoi. Non, parce que la gueule qu'il a, il baisse pas s'il rallie pas le système. Ouais, c'est vrai qu'il a un côté crâne d'œuf. À la limite, ce qu'il fait avec son cul ne m'intéresse pas. Les honneurs et les femmes, c'est les trois rétributions possibles de la soumission politique. Il faut quand même revenir à ses fondamentaux. Un type qui résiste au système est forcément persécuté sur le terrain du pognon, sur le terrain du prestige, diabolisation. Et quand on n'a plus de pognon qu'on diabolise, on a plus de mal à baiser des belles femmes. Donc il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, pourquoi ces types se soumettent et trahissent leur vision du monde pour effectivement de la... c'est de la corruption, quoi. Ça leur donne de l'argent, du prestige et des femmes, ou des petits garçons L'interview de Varoufakis, où là ça a fait un scandale. Faut revenir aux fondamentaux. Il y avait les photos de Varoufakis sur son balcon avec sa femme, je veux dire, dans le confort, en train de jouer au piano, etc. Et ça a fait un scandale absolu. Je veux dire, moi, ça me fait penser, je crois que c'est Aubigny Dorien qui avait écrit un livre Sex and Power. Alors bon, effectivement, ça rejoint ce que vous dites tous les deux. Je veux dire, moi, la vie sexuelle des gens, je m'en fous. Enfin, c'est de montrer que il faut beaucoup plus de courage et d'abnégation. C'est-à-dire qu'à la limite, s'il n'y a pas une dimension religieuse de la peur du châtiment divin ou d'une question de l'au-delà, dans un monde absolument matérialiste, comment faire pour être fidèle à des idées qui te coûtent ton confort existentiel s'il n'y a rien après la vie? Tu vois ce que je veux dire? C'est une question bien plus fondamentale que ce que je te dis. Non, mais attends, là, c'est spirituel. Là, on est dans spirituel. C'est pas pour rien que tu t'intéresses aux anges et tout ça par ailleurs. C'est comment peux-tu dans un monde... C'est pas pour rien que t'es né le jour des anges gardiens. C'est une question fondamentale. Comment dans un monde absolument matérialiste, hein, dans un monde où il n'y a rien, il n'y a pas de châtiment divin, et il n'y a rien au-delà de la vie matérielle, comment faire pour être fidèle à des idées de vérité quand tu sais que ça va te coûter ton confort existentiel si tu n'as ni peur du châtiment, ni l'espérance du ciel? Ça, c'est la question définitive, excusez-moi. Toutes les autres sont secondaires. Donc, dès lors qu'il n'y a plus la peur du châtiment divin et la promesse du ciel, la corruption... et la loi du monde. C'est tout. C'est-à-dire que qui peut résister à ça? Ceux qui croient encore à autre chose. Or, aujourd'hui, le monde ne te pousse pas à croire, à te soumettre à Dieu. C'est même l'inverse. Ou avoir pas de châtiment. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, de pousser à ne croire en rien. Ça veut dire que la trahison Je veux dire, la puissance de la trahison et de la soumission doit être infiniment supérieure aujourd'hui que du temps de Saint-Louis, du temps de la France très chrétienne et du règne de Louis XIV. Louis XIV. Avec la Renaissance, ça a dû commencer à se péter la gueule. D'ailleurs, ça donne quoi? Ça donne les Borgia, ça donne Venise, hein, ça donne ce qu'on appelle la Renaissance. N'oublions pas, la haute corruption italienne, hein, parce qu'ils ont moins peur de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ils ont moins peur de Dieu, ils ont moins peur du châtiment, et ils ne croient qu'à la vie terrestre, et ce qui rejoint d'ailleurs l'éclairage qu'on donne au fait au judaïsme originel, où il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de paradis, Il n'y a pas de paradis. C'est, là, je reviens à de l'essentiel. Comment peut-on tenir ce combat de vérité quand on sait que ça va te coûter l'argent, les honneurs et les femmes? À un moment donné, soit tu es masochiste, soit tu dois croire à quelque chose qui a au-delà, donc la spiritualité, on doit croire à Dieu, c'est-à-dire au ciel et au châtiment. Si tu ne crois plus au ciel et au châtiment, tu ne peux pas tenir. Or, une société qui te dit le ciel et le châtiment, c'est de la blague, il n'y a que la vie terrestre et le confort terrestre, c'est un monde de soumission au mal. Hein, voilà. Et là, on voit bien, ça s'appelle le règne du diable, le maître de la terre. C'est l'illustration d'un livre qu'on a publié au Jardin des Livres. C'est l'histoire de ce prof d'art de je sais plus quelle grande université américaine qui est mort, entre guillemets, à la Salpêtrière parce qu'il y avait peu, ils sont passés aux 35 heures ou je sais pas quoi. Donc, il n'y avait pas de médecin pour le soigner. Et il a eu une expérience aux frontières de la mort absolument carabinée. Il est passé de l'autre côté. Il a vu... il est passé en enfer, et il raconte tout ça parce que c'était un athée, le mec, et c'est absolument fascinant. C'est un livre qui s'appelle Voir Paris et mourir, justement. Ça veut dire que tant qu'on ne reviendra pas à une société transcendante avec la peur du châtiment et la promesse du ciel, le bien ne peut pas triompher politiquement. C'est ça que je veux dire. Les héros sont infiniment plus rares. C'est ce que dit Michael Olliakos. Oui, c'est ce que dit Michael Olliakos. On est obligé de se dire ça à un moment donné, et on est très loin du Front National de Louis Alliot et de Maître Collard. Je pense que Louis Alliot est plus. Je sais que tu lui en veux beaucoup. C'est un running gag. Non, mais bon, je l'apprécie, franchement. Par rapport à d'autres, sincèrement, Louis Alliot est. On s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, là, on parlait de Dieu, du châtiment et de l'au-delà. Hein, pas des petits arrangements des francs mags de Perpignan. Hein. Pierre Joanovic, quand même, une bonne nouvelle. Ah non, j'ai passé. Revenir aux fondamentaux. La science économique est une escroquerie. Il y a plusieurs anges qui sont passés. La science économique est une escroquerie. Ça, hein, on est tout à fait d'accord. Et dans un monde sans Dieu, rapidement, le diable règne. N'oublie pas que c'est le maître de la terre. Hein, mais voilà. Ce qui est extraordinaire avec le livre de Fekete, il a écrit Le Retour au Standard Or, il dit, c'est un mathématicien, lui il dit que les économistes sont des escrocs parce qu'ils utilisent des équations mathématiques qui n'ont aucun sens. Alors, il est mathématicien. Oui, c'est la microéconomie. C'est du bullshit. Et il a écrit clairement dans son livre, il a dit, la planche à billets, la monnaie de singe, nous prépare à une catastrophe de nature biblique. Hein, c'est-à-dire qu'il lie ça à effectivement de quelque chose de biblique. Et, ça nous renvoie à l'Apocalypse de Jean quand on la lit à l'aune de la modernité, non? Absolument. Le signe de la bête. Justement, j'ai tweeté là-dessus ce matin. Je ne sais plus parce que quelqu'un avait parlé de ton livre là, Comprendre l'Empire, et justement j'avais retweeté en disant absolument c'est un excellent livre, et en plus on l'a publié en même temps, 777, je crois qu'ils sont sortis 2011. En même temps, voilà. Non, c'est Blight qui est sorti en même temps que Comprendre l'Empire, mais c'est fascinant d'observer ça. Je ne sais plus où j'ai lu ça, seul Dieu peut d'ailleurs les dieux grecs nous le montrent, peuvent créer quelque chose à partir de rien. En revanche, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les banquiers centraux se sont attribués les pouvoirs divins, donc ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. Et ils le disent. Créent à partir de rien de l'argent qui n'existe pas. Voilà. Et cet argent qui n'existe pas va uniquement dans les poches de la plutocratie. Et ça ne va absolument pas dans la rue, ça ne va pas dans la... La théorie de la redistribution est une escroquerie. Hein. Zéro, nada. C'est une immense escroquerie, et c'est pour ça qu'ils ont pris le contrôle des de Twitter, de Facebook, etc. C'est pour ça que j'étais censuré à ce point-là, parce que je suis le seul en France à parler de la planche à billets régulièrement depuis 2008. Hein, c'est vraiment la plus grande arnaque. D'ailleurs, pour preuve, les deux qui ont parlé de la planche à billets, Il y avait André-Jacques Holbecq, vous le connaissez, je pense, et, il avait écrit sur la loi du 3 janvier. Sa fiche Wikipédia a été enlevée, alors que quand même le mec, c'était un des premiers pilotes du Concorde. Hein, c'est, pas la, hein, c'est pas un crétin, le type. Hein, franchement, il s'est passionné d'économie, et ça n'empêche pas, hein, on peut être pilote de Concorde et s'être passionné par l'économie. Il y avait Allais aussi. Et Allais, justement, on en a, j'en ai parlé avec lui, avant, très peu de temps avant qu'il meure. Et ma fiche Wikipédia a disparu parce qu'on parle de la loi du 3 janvier et de la monnaie de singe. C'est très important de comprendre ça. C'est très important. On touche là au nerf de la guerre. C'est pour ça que, pour revenir à Marine, elle a prétendu parler d'économie. Mais en fait, elle a fait semblant d'en parler. Elle a parlé de points retraite, de machin, de trucs comme ça, qu'emmerdait tout le monde. À un moment donné, c'est dire la dette est un racket, la dette est illégitime. Absolument. Il n'est pas question de savoir comment on va rembourser la dette. Il est question c'est de la monnaie de singe. Et je rappelle qu'un acte fort de Mussolini, on l'avait mis sur le site, il brûle la dette solennellement. Et tous les hommes politiques qui se sont fait assassiner et qui ont été mis récemment d'ailleurs sur la liste de l'axe du mal, c'est ce ne sont que des régimes qui ne sont pas soumis à la dette, qui ont échappé à la dette, ou qui sont sortis de la dette. Le dollar. Je rappelle même que les printemps arabes ont eu comme conséquence, l'air de rien, de remettre par exemple la Tunisie dans l'emprunt auprès du FMI. Comme par hasard, c'était des régimes qui, quoi qu'on en dise sur le plan policier, avaient été arrivés au bout de la dette. Ils avaient remboursé la dette. Et il a fallu et ils ne voulaient peut-être pas réactiver la dette. Et en réalité, quand on regarde l'histoire de la violence du monde depuis, en tout cas, toute l'histoire de tout le XXe siècle, les régimes qui se font détruire violemment et les gouvernants qui se font assassiner sont ceux qui veulent échapper à la dette. Absolument, tout à fait d'accord. C'est le plus gros fondamental. C'est là qu'il faut revenir. Et là, on parle d'économie. Alors, ce qui veut dire que Marine Le Pen, en fait, n'a pas parlé d'économie. Attention, en fait. Précisons bien que c'est la dette des États-Unis. Hein, c'est une volonté politique des Américains en esclavage les pays, entre guillemets, sous-développés ou du tiers-monde. Bon, au départ, la dette, c'est d'ailleurs, il y a un livre c'est très d'abord bon la là-dessus. City. C'est d'abord la City. Et les Américains se sont débarrassés de la City, oui, justement. C'est anglo. C'est la révolution américaine. C'est globalement anglo-américain, c'est globalement vétérotestamentaire. Voilà. Ça ne vient pas, par exemple, du monde arabe. Il y a un président américain, un des premiers, je ne sais plus si c'est Jefferson, qui disait nous avons fait cette révolution, mais nous devons nous débarrasser, justement, de la Banque d'Angleterre. Hein. Et en fait, la Fed actuelle est sur le même modèle, d'ailleurs, c'est ça qui est triste. On regarde que les présidents américains qui ont été assassinés ou qu'on a essayé d'assassiner ont souvent essayé de résister au pouvoir de la banque. Et ceux qui ont eu des fins heureuses s'y sont soumis. Alors, hein, stop, Jackson, stop, Jefferson, stop. Et par contre... Stop. Mieux que ça. Pour illustrer tes propos... Si tu l'as mieux que ça... J'ai mieux que ça. Pour illustrer tes propos, il y a un film d'ailleurs qui a été... très bon film qui lui a été consacré, Simon Bolivar. Simon Bolivar a été assassiné après qu'il ait refusé que la Banque d'Angleterre contrôle l'émission des billets de banque et des pièces dans son pays. Voilà, c'est QFD. Donc, j'ai mieux Simon Bolivar. Chavez a fait déterrer Simon Bolivar, justement, pour voir s'il y avait des traces de poison sur ses ossements. Ça n'a pas été vérifié. Non, mais peu importe. Chavez, il n'y a peut-être pas de traces non plus sur ses ossements. Il est mort aussi. Yasser Arafat aussi, hein, il est mort. Hein, et on ne sait pas trop comment. Hein, les expertises suisses ont dit qu'il avait été empoisonné, mais les expertises françaises ont démenti. Bah, on a été courageux. Mais il était à l'hôpital militaire, donc déjà... Déjà, il s'est réveillé, le mec, il était à Villejuif. Comment tu voulais qu'il s'en sorte ? Lol. Alors, non, mais... tout ça nous ramène également à un excellent ouvrage édité chez les éditions Contre-Culture, le livre Mémoire d'un magicien de Hjalmar Schacht. Excellent. Qui a sorti excellent l'Allemagne excellent de, du chômage. Livre. Absolument. Je l'ai lu. Excellent livre. Excellent ouvrage. Que nous éditons. Absolument. Non, mais j'en ai déjà parlé hein, c'est de ce livre. C'est et, excellent. Mais et justement, c'est ça le retour à la valeur travail, c'est sortir de la dette par tous les moyens. Non, non. Schacht va beaucoup plus loin. Schacht. J'ai lu ses mémoires que vous avez publiées. J'ai lu également d'autres livres sur Schacht qui sont la Révolution européenne aussi, qui sont passionnants. Ils sont vraiment passionnants. Il faut séparer Schacht. Je rappelle qu'il a fini aux côtés de Mossadegh en Iran à la fin de sa vie. Il a aidé. Mais il a aidé plein de pays. Il a tenté d'aider l'Iran de s'émanciper du contrôle anglo-américain. Mais Nasser absolument. Aussi. Mais tous les pays l'avaient demandé comme conseiller. Un génie, quand même c'est pas un génie. Un génie. Absolument. C'est un génie. Ce qui veut bien dire d'ailleurs que les nationalismes arabes, la filiation des nationalismes arabes, c'est bien sûr pas l'Angleterre, mais c'est pas non plus les droits de l'homme français, c'est plutôt l'Allemagne. Hein. Je recommande vraiment bien comprendre ça, effectivement, les mémoires de du magicien de Chartres. Je trouve d'ailleurs il y a un parallèle, parce que le livre Comprendre l'Empire s'articule très bien avec 777 et surtout mon livre sur l'or 666 et Chartres, parce que Chartres il est quand même revenu entre guillemets au standard or, bien sûr, il faut jamais l'oublier. Il a dit je reviens au standard or, il a fait de l'esbrouf en disant alors qu'il n'avait pas vraiment beaucoup d'or dans la banque, mais il dit attention, maintenant j'arrête cette hyperinflation, je fais une nouvelle monnaie, je ramasse de l'or pour le mettre dans la banque centrale, et en même temps je crée une sorte de billet à ordre, hein, de travail, industrie, voilà, voilà. Et il a remis effectivement le pays en marche. Il a adossé une nouvelle monnaie à l'industrie allemande. Mais c'est là où on rejoint Oswald Spengler, puisque Spengler, là, je ne sais pas si tu as lu le déclin de l'Occident, Spengler, dans son livre qui a été publié, il avait écrit en 1914, mais à cause de la déclenchement de la Première Guerre mondiale, il n'a pas pu le publier. Donc son livre a été publié la première fois en 1918, d'accord ? Mais dans son livre, il annonçait effectivement... techniquement, en fait, moi je ne me rendais pas compte que je disais la même chose que lui, parce que je ne connaissais pas Spengler avant. Comment dire ? Tout pays qui fonctionne avec de la planche à billets va à sa destruction et appelle un César. Et c'est exactement ce qu'il a dit pour l'Allemagne. Il a dit l'hyperinflation va détruire tout ça et ça va faire venir un super dictateur, un méga César, qui va d'ailleurs entraîner le pays à sa faillite. Et d'ailleurs, ils ne s'entendaient absolument pas avec les nazis et avec Hitler, alors qu'ils ont essayé de l'amener vers... Hitler, mais pas avec son entourage. J'ai lu ses lettres. Il prenait Hitler pour un crétin. Si le César ne sauve pas la situation, alors ça veut dire qu'on enchaîne, catastrophe sur catastrophe. Spengler dit justement que le Hitler n'était pas le bon César. Hein, il a été très très précis dans son analyse. Le mec, c'est un visionnaire, quoi, c'est extraordinaire. Le bon César, il arrive quand alors ? Je pense que là, depuis que la Banque Centrale Européenne, hein, ça fait 2 ans. Alors, rappelez-vous, on sait que c'est pas Macron, on sait que c'est pas Marine Le Pen. C'est clair. C'est Macron, clair. Justement, a-t-il des velléités d'indépendance ? C'est un peu ce qu'on entend actuellement. Ça peut lui arriver. Déjà, on parle de Jupiter. Hein. Vous savez que là, j'aime beaucoup la mythologie grecque. Donc, à partir du moment où on parle de Zeus, hein, parce que Zeus, c'est Jupiter, là, ça devient très, très intéressant. Hein. Ça va se terminer par un massacre et surtout ça va être aussi une vie sexuelle intense, quoi. Mais Pierre, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure. La une de l'Express du 7 juin, t'as pas échappé, parce que l'Express, un groupe Drahi. J'étais à Athènes, donc c'était quoi Qui a quand même fait Macron, hein, tout le groupe Patrick Drahi. On est tous d'accord. L'Express fait une hyper moqueuse du genre Macromania avec des petits cœurs, de Facebook et ainsi de suite. Et à l'intérieur, il y a une menace. Les journalistes écrivent, est-ce que tout ne serait pas faux chez cet homme-là ? Il ne faut pas qu'il oublie que c'est les affaires, et surtout celles des autres, qui l'ont fait. Et après, de demander la démission de Ferrand, qui, comme chacun le sait, était un donateur à des associations palestiniennes. Là, on voit un banquier du Crédit Mutuel, là, je crois. Oui, enfin, communiste, oui, mais mutualisme, c'est pas du mutuel franc-maçon. Voilà. Et c'est intéressant, et on voit dans les nominations... Quelques velléités d'indépendance, on voit au Quai d'Orsay, la DGSE, on voit le retour des Chiraciens, on voit le retour d'une... Moi, sincèrement, j'espère vraiment que Macron prenne son indépendance vis-à-vis. Et c'est fort possible. Je crois que c'est dans une biographie qui était sur Chirac, qui était très intéressant. Quand on doit trop quelque chose à quelqu'un, on finit par l'ignorer et le détruire. Et il est fort possible, fort probable, je ne sais pas ce que tu en penses. Ce n'est pas arrivé à Chirac, en tout cas, ce miracle. Si, quand même, dans le genre... là, en tout cas, clairement, Macron peut se libérer de Drahi. Ça serait une sorte de divine surprise. Oui, ça serait une divine surprise. Et je ne serais pas surpris que cela arrive, cela dit. Je vous le dis mais sincèrement. Mais il dit qu'il entend des voix, il se prend pour Jeanne d'Arc. Enfin, il pense vraiment avoir un destin. Est-ce qu'il n'a pas des velléités d'indépendance ? Comment ? Écoutez, s'il entend la voix de son ange gardien, voilà. Tout va bien, finalement. Et puis, tout va bien. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même un goy. jusqu'à preuve du contraire. Ouais, bien vu. Malgré tout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Pierre Genovic, son mandat a commencé par un dépeçage de la France et notamment de l'armée et des retraités, des maisons de retraite. Mais en fait, ça c'est au niveau des pépettes. Hein. Quand les caisses sont vides, il n'a pas le choix. Hein. On fait comme la Grèce. Hein. Là, ils sont partis pour vendre les aéroports de Paris. Alors, il a déjà vendu celui de Nice et celui de Lyon Mais très bonne observation. Les Grecs, en 2009, la première chose qu'ils ont commencé à faire, 2009-2010, hein, je vous donne ça de tête, la première chose, c'est privatisation de l'aéroport, le grand aéroport d'Athènes. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite les Dunkerque, ils ont commencé à vendre leurs îles, les plages. Et puis il va falloir surveiller le port du Havre, avec voir si on ne va pas être dans une situation un peu à l'algérienne, où on va faire venir des travailleurs chinois avec une extraterritorialité du droit social chinois. C'est ce qu'ils veulent faire au Pirée. Les dockers qui, c'est vrai, les dockers français sont trop payés. Enfin, avec les dockers, à mon avis, ça risque de... Ça coûte... C'est des gros bras. Est-ce que les dockers havrais vont pas... Et en général, ils ne vont pas l'avoir dans le baba. Là, pour le coup, aucune. L'autre grand chantier naval, là, où il y a le carnet de commandes est plein, on est en train de passer sous contrôle italien, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... MSTX ou MSTX. C'est-à-dire que lui, il dit, oui, mais il y a de l'emploi, il y a les carnets de commandes, et puis on dit, oui, mais d'accord, mais c'est plus français. Voilà, c'est un peu... Oui, c'est plus français. C'est un scandale. Le chantage, il est un peu là, quoi. Si vous voulez que l'emploi existe encore en France, il faut accepter que la France soit vendue... Aujourd'hui, la Grèce est contrôlée par l'Allemagne. La plupart des grandes entreprises allemandes sont présentes en Grèce. Siemens, le géant Siemens, a été pris la main dans le sac en faisant de la corruption sur tous les syndicalistes d'extrême-gauche grecs pour que le gouvernement grec achète des tramways ou des wagons qui sont fabriqués par Siemens. L'Allemagne a pris le contrôle de la Grèce, il faut bien s'en rendre compte. Il faut aussi réfléchir que, par exemple, quand tu additionnes délocalisation et mondialisation, le rapport travailleur-producteur ne devient plus du tout une menace, parce que dans le temps, on disait si on délocalise trop, on appauvrit le salarié français, mais du coup, il ne peut plus consommer. Mais aujourd'hui, on délocalise la production, mais on délocalise aussi la consommation, qui s'appelle le marché ouvert mondial. C'est-à-dire qu'en réalité, le français n'est plus ni travailleur, ni consommateur. Donc le fait qu'il soit plus consommateur n'est plus une menace. C'est-à-dire que le mec ne pèse plus rien dans la balance politique. Puisque de toute façon, il ne produit plus, il ne consomme plus. C'est un déséquilibre social. Oui, non, il devient donc un résidu complet, voué à la marginalité. Et ça fait un peu penser quoi ? Aux banlieues pour les immigrés. Et pour l'électeur de base Front National, le mec qui gueule « on est chez nous » dans la banlieue d'Hénin-Beaumont. Et c'est aussi un assisté social et un improductif. Et en fait, tout ça, il y a une double marginalisation. Le blanc paupérisé et l'immigré qui sert à rien. Et en fait, la production est délocalisée, la consommation est délocalisée. Et il ne reste en fait en France que les technogestionnaires, c'est-à-dire les élites que représente Macron, qui est très très peu de gens. Et après, qu'est-ce qu'il faut un État policier pour éviter de se faire assassiner, hein, soit par les voyous d'origine immigrée ou les Français désespérés. Là, je vois récemment, on l'a mis sur le site, qu'ils ont flin. Il y avait un paysan qui se révoltait contre l'administration française qui est là pour punir le petit exploitant. Il s'est fait buter par les gendarmes. Hein. Parce que, en fait, tout ça veut dire que forcément, il faut un État policier derrière. Il faut un État policier parce que sinon, il y a les meutes. Mais ils ont viré 15 000 flics déjà. Ouais, comme en Angleterre d'ailleurs. Hein. Ils vont en virer d'autres. Ça devient presque positif alors. Ils vont en virer d'autres. Parce que c'est la porte ouverte peut-être à une révolution. Non, mais je pense très sincèrement. De toute façon, entre guillemets, je me cale sur Spengler. Parce que je trouve que Spengler vraiment... est quand même accusé d'idéalisme, parce qu'il compare, comment dirais-je, un cycle historique à un cycle de vie. Tu vois ce que je veux dire? Or, mais il a raison. Mais c'est une analogie. Je veux dire, d'un point de vue sérieux, ça ne peut être qu'une analogie. Je veux dire, on est d'accord. Mais une époque historique n'est pas un corps humain. Et lui, passées. Te dit, il y a une naissance, Alain, un âge mûr, il a et une vieillesse. Des choses qui non, se sont c'est pas la question. Je ne peux pas parler de moi. C'est vachement intéressant. Toi, tu as une formation d'économiste, moi, une formation de philosophe. La critique qu'on fait à Spengler, c'est que c'est joli, mais faire l'analogie entre un cycle historique et la jeunesse et la vie d'un corps, et d'un corps vivant, c'est une analogie qui, en philosophie, ne peut pas être fondée. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'une analogie. Or, lui, il dit, une civilisation, c'est un être vivant. Il a une jeunesse, un âge mûr et une vieillesse. Et il dit, à un moment donné, c'est inéluctable. Tu vois, c'est la mort d'une civilisation. Tout à fait. Et pour ça, son intuition fondamentale, c'est que c'est comme un être vivant. Et là, les marxistes lui répondent, c'est une analogie qui est jolie, mais tu sautes des médiations, et en réalité, rien ne permet de faire le lien entre un être vivant et, comment dirais-je, un cycle historique. Voilà, c'était pour c'est ce que clore tu dis, là. C'est pour clore sur Spengler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de génial chez lui, mais en même temps, c'est fondamentalement intuitif. Alors après, il dit, ça se passe effectivement comme ça. C'est vrai que tous les empires ont eu une naissance. On peut même parler de la Grèce, puisque au départ, il y a la mythologie qui est la naissance et la virilité. Après, il y a, comment dirais-je, le drame, c'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire la tragédie, où le peuple se pose des questions. Et après, il y a la philosophie, où on réfléchit sur le déclin. Tu vois ce que je veux dire ? Les trois formes en fait, de la Grèce correspondent à ces trois époques. Jeunesse, âge mûr, vieillesse. C'est ce qu'il dit, voilà. Absolument. Et ça, c'est génial en même temps. C'est rare de tomber sur quelqu'un qui connaît Spengler, quand même, en France. Hein. Ça court pas les rues. J'ai lu dans ma jeunesse, quand même. Et en tant que marxiste, on lisait Spengler, justement, pour le critiquer. Ah oui ? Oui, bah oui, parce que, justement, c'est considéré comme de l'idéalisme. Hein. C'est pas du matérialisme historique. C'est drôle. Voilà. Mais Spengler dit quelque chose d'encore plus intéressant. Mais par contre, il a raison, je dirais, empiriquement. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les civilisations ont eu une jeunesse d'espoir et de violence, un âge mûr de règne, et après un déclin où, au moment où elle décline, elle se pose des questions sur leur histoire. C'est-à-dire que ça correspond, chez les Grecs, à mythologie, tragédie, philosophie. Oui, mais il dit également quelque chose qui me tient à cœur, et ça, vous le savez tous, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Il dit, après la fausse monnaie, écroulement, arrivée du César, voilà, de l'homme providentiel. C'est quand même incroyable qu'il ait identifié l'utilisation de la fausse monnaie qui fait tomber la société au final. Je veux dire, le mec, c'est quand même... C'est peut-être du romantisme, de l'idéal, de... Non, ça peut être de l'intuition. Oui, il a fumé la moquette, peu importe. De toute façon, on a toujours dit qu'il a vu juste. C'est ça qui est intéressant. Donc on attend l'implosion du système, et de cette implosion naîtra... Mais on est dans l'implosion du système. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a le mauvais César. Tu me diras, ça rejoint l'Antéchrist aussi. L'Antéchrist, c'est le faux messie. Absolument. Alors on est quand même dans des espèces de figures qui se ressemblent. Crise maximale et terminale, mensonge absolu, c'est-à-dire les droits de l'homme qui amènent au contraire des droits de l'homme, règne du faux et de l'illégitime, on le sent bien là, avec l'exemple qui a épousé sa mère, l'employé de banque Geffren Lee qu'on nous présente comme le sauveur, alors que on sent bien qu'on est dans un monde d'inversion des valeurs absolument presque maximale, même si à chaque fois on découvre qu'on peut être pire. Avec Marine qui a tué le père, elle a tué son père, je rappelle, et on a Macron qui a épousé sa mère. Donc on est en plein Freud. Non mais c'est même la mythologie grecque. Mais absolument, on est en Le problème c'est que on moi, est en pleine mythologie grecque. J'ai écrit en 2011, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, on pensait qu'en 2012 il y avait une espèce d'année symbolique, ça pourrait arriver. Finalement on est en 2017 et la révolte des nations, ça a été le deuxième tour Marine Macron, on l'a eu profond dans le baba, hein, et là c'est la déferlante de la gouvernance globale en réalité. Et c'est pour ça que je suis un petit peu, en ce moment je pense pas mal au retour à la terre ou à l'expatriation, parce que le combat un peu final pour nous, c'était est-ce que le Front National va enfin prendre le pouvoir en France, alors qu'il avait en réalité tout été réuni pour qu'il le prenne. Or il s'est pris, alors faute à Marine, faute à je sais pas quoi, génie du mal aussi en face, les forces du mal qui ont amené Macron de force en réalité comme ça, on s'est pris une branlée. Et là, maintenant, on attend de façon... on est un peu dans la consternation, dans la subjugation même, et on attend de voir combien de temps ça va durer l'effet Macron. Là, on a la déferlante des législatives, il est en train de tout ramasser. Et qu'est-ce qu'on peut faire à part faire effectivement de la philosophie, de l'analyse c'est-à-dire de ce que font en général les mecs qui écrivent, parce que vous voyez que l'origine de la littérature aussi, c'est quoi ? C'est un militaire qui a échoué et qui est vieux et qui écrit sur le pourquoi de son échec. C'est l'origine de la littérature. Hein. Si tu regardes historiquement, c'est ça. Hein. Et là, on en est là, c'est-à-dire qu'on a perdu, parce qu'on a perdu là, hein. On en prend plein la gueule, et quelle est notre seule victoire ? C'est d'avoir l'intelligence et la finesse d'analyse de notre échec. Hein. Voilà, c'est pas super encourageant Alain, non plus. Alain, essayez de justement, puisqu'on parle d'intuition, et je crois fondamentalement à l'intuition, ce qui peut se passer avec Macron, c'est justement parce qu'il a les pleins pouvoirs, parce que d'un seul coup il n'a plus aucune limite, justement qu'il devienne totalement, effectivement, un plutocrate, et qu'ils mettent en place une sorte de pouvoir quasi militaire. Le mal en pleine lumière. C'est déjà un banquier, donc s'il y a une mutation, il ne peut que muter dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le bon sens. Ah. C'est ça qui est intéressant. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le despote éclairé. C'est ce dont je parle depuis des années. On se rend compte que chaque fois qu'il y a un sursaut positif pour le peuple, éclairé, ça devient, ça, c'est un pouvoir fort avec l'amour de son peuple. Hein. Non, mais c'est très intéressant. Ça n'a jamais marché. Et toi qui viens de rencontrer le leader d'Aube Dorée, tu vois bien aussi qu'une politique, ça s'incarne physiquement. Et là, tu vois bien qu'entre Macron et lui, il y a un monde quand même. Clairement. Il fait deux choses différentes. Petit homme un peu trapu. Non, en fait, c'est parce qu'il est aussi large que. Il est grand. C'est vraiment un lutteur. C'est vraiment un lutteur. Quand tu vois, par exemple, ce qu'il nous a fait. Il a des épaules aussi larges que. Quand on s'est foutu de la gueule de Macron, c'était pourquoi ? C'était sur ses meetings. Il est nul en meeting. Quand il est mauvais. On est d'accord. Mais par contre, il est très bon en face à face télévisuel et en négociation d'homme à homme. C'est-à-dire. C'est ce qu'il a appris à la Banque. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, le monde télévisuel aujourd'hui. Met plus l'accent sur le face-à-face télévisuel sans aucun recul, alors que comme tribun populiste, il est ridicule. Et alors que Michael Ulliaco, c'est exactement l'inverse, on est d'accord. Tu vois, le génie de Mussolini, c'était capable de parler sur des places de ville sans pratiquement amplification de son. C'est comme des chanteurs d'opéra par rapport à Johnny Hallyday qui, si tu enlèves le micro qu'il a littéralement dans la bouche, ne sait pas chanter. Mais par contre, c'est un chanteur génial grâce à toute la technologie qu'on a mis. Tu vois, c'est la différence chanteur d'opéra, chanteur à micro. Bon, il y a des vrais trucs comme ça. Et on voit très bien la différence entre un tribun. Un type qui est capable de soulever des foules comme Fidel Castro, comme Chavez, face à réellement une foule physique. Une foule physique réelle, oui, de Gaulle, qui rentre dans Paris, libéré, etc. Et un mec comme Macron qui ne peut pas exister sans la télé et sans ce truc qui est un artifice, qui est le face-à-face. C'est-à-dire, on met deux personnes dans une pièce et ils parlent l'un collé à l'autre. À quel moment on va revenir à de la vraie politique ? C'est-à-dire où les types sont obligés d'exister dans la rue face à un peuple, je dirais, en colère, au bord de l'explosion. Or, tout le système est fait pour que ça n'existe pas. D'ailleurs, son investiture là, qui était devant la Grande Pyramide, oui. C'était un tout petit périmètre en réalité. Ils n'ont pas tenté de le mettre place de la Concorde. Tu vois, donc tout est triché. Tu vois, les types sont avec le symbole du dollar derrière lui, c'était génial. Ça, ouais, c'était la pyramide, l'œil, etc. Mais tout ça, c'est que tant qu'on n'en viendra pas à de la vraie politique. Avec un peuple au bord de l'émeute, dans la rue, avec un type qui fait face physiquement à ce peuple, pour l'instant, rien ne peut arriver de sérieux, puisque même Macron peut être crédible. Voilà. Alors qu'on voit bien que dans ces meetings, on avait, même derrière lui, les gens ricanaient. T'avais des petites gamines, elles ricanaient presque quand il se mettait à hurler avec sa petite voix de fausset défoncée à la cocaïne. Et c'est là où on voyait sa réalité en réalité. Je crois que c'est une citation de Flaubert qui dit « Je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute ». C'est-à-dire qu'un banquier Rothschild avec son chéquier, il peut tout faire sauf arrêter des balles. Quoi. Le problème, c'est que pour l'instant, personne ne lui tire dessus. Bah avec un chéquier, tu peux acheter les balles surtout. Ouais, mais quand tu vois les oligarques c'est russes. C'est ce que dit Mikhail Ulyakov dans l'interview d'ailleurs. Je vais te répondre à ça. Les oligarques russes, quand ils ont dépecé la Russie, quel a été leur problème ? De sécuriser leur prédation face aux mafieux. Aux mafieux qui étaient la déstructuration de la société. Pourquoi ils ont appelé Poutine ? Parce que Poutine contrôlait la police, l'armée et le FSB. Absolument. Et c'était on vous donne les clés de l'armurerie, sécurisez-nous. On a volé la Russie, mais maintenant on se fait braquer par des voyous sanguinaires, des Tchétchènes, etc. Et Poutine, et dès lors qu'on lui a donné les clés de l'armurerie, il a dit, il les a tous mis au tapin. Il a envoyé Khodorkovsky coudre des moufles en Sibérie. Donc à un moment donné, avec les chéquiers, tu peux acheter les fusils. Mais tu ne peux pas empêcher les fusils, mais on a décidé de te tirer dessus. Parce que tu n'as pas et le chéquier et le fusil. Le fusil, ce n'est pas toi qui le tiens. Donc, à quel moment le fusil que tu as acheté peut t'échapper ? L'épopée Poutine, ce n'est que ça. Ce n'est pas pour rien qu'on fait tout en ce moment pour le nouvel ordre mondial veut le flinguer. C'est très intéressant. Parce que c'est ce qu'on appelle Poutine, c'est l'homme providentiel russe. Et il a trahi le nouvel ordre mondial. Parce que normalement, il était là pour sécuriser les oligarques. Et les oligarques qui n'étaient pas, je le rappelle, des orthodoxes russes. Hein, qui était essentiellement de la communauté de lumière. Hein. Attends, il faut que je vous raconte quand même. J'étais à Venise il y a deux, trois ans ou quatre ans, et j'ai vu arriver dans le lagon, vous connaissez Venise, hein, vous voyez, c'est charmant, et d'un coup, je vois un immeuble. Mais quand je dis un immeuble, c'est la cité des 4000, hein, la Courneuve. C'est communiste, hein, Venise, hein, comme municipalité. oui, non, faut le savoir. Attends, quand tu vois arriver un immeuble, la cité des 4000 qui flotte et qui arrive dans le lagon, tu te dis, t'as l'impression qu'en fait, c'est une planète Mars qui tombe sur la Terre. Ah, quoi. C'était un yacht moderne. C'était le yacht de je ne sais plus quel grand oligarque russe qui venait là pour la biennale de Venise. Et je peux vous dire que ça fait un choc visuel. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais eu un choc visuel semblable. Parce qu'on est tous habitués aux petits yachts, aux petits bateaux, etc. à Venise. Non, mais les yachts, maintenant, ça fait 110 mètres. Hein. Là, celui-là, il faisait. Enfin, c'était immense, quoi. Il y a eu une surenchère. C'était un immeuble de 8 étages ou 10 depuis étages. 20 ans, depuis 20 ans, ça, c'est un sujet auquel il faut s'intéresser, la surenchère des yachts privés. La vraie fortune, c'est les yachts, c'est pas les châteaux, c'est pas tout ça. Ce qui coûte vraiment cher et qui montre que tu es vraiment riche. Ouais. Au niveau mondial, c'est le yacht. Et les yachts avant, le yacht de la famille d'Angleterre, les mecs, ils avaient des yachts de 35 mètres. Regarde le yacht d'Onassis où il invite Jackie Kennedy, c'est de la rigolade aujourd'hui. Hein. C'est une barque de hippie. Hein. Et après, les mecs sont passés à du 50 mètres, du 60 mètres. Il y a eu la rivalité entre les Saoudiens, enfin les Émirats, ouais. Puis après les nouveaux riches russes, puis les Chinois. Et aujourd'hui, il y a la vraie course du super riche, c'est la longueur du yacht privé. Et on arrive à des. On a passé les 80 mètres à telle époque. Tu peux marquer, tu sais. On a passé les 100 mètres il n'y a pas très longtemps. Et là, on est sur du 110 et du 115 mètres. C'est intéressant. Je me suis intéressé à ça il y a 10-15 ans. Je ne sais pas combien on en est aujourd'hui. Justement, pour rebondir là-dessus, c'est encore plus intéressant parce que moi, j'ai vu. Je couvrais l'informatique pendant des années. Et Oracle, le fondateur d'Oracle, Larry Ellison, se battait à la Coupe de l'América, parce que la Coupe de l'América, c'est la Formule 1 des bateaux. Et là, c'est budget illimité. Et donc, c'est vraiment c'est celui qui aurait le mât le plus long, hein, donc techniquement la bite la plus longue, hein, c'est à travers leurs bateaux qui se font les concours, et surtout le bateau le plus rapide. Et donc, si vous regardez bien la course de l'América, c'est des Néo-Zélandais contre des Américains à chaque fois. C'est vraiment. Là, on perd à chaque fois, nous. Hein. C'est les débauches, c'est des milliards qu'ils déversent là-dedans, simplement pour être plus rapide et plus long que l'autre. Intéressant. En fait, c'est sur mer. Et Oracle est toujours là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien dans une société dite liquide, pour citer notre Alain de Benoît national. Et donc, tu sais, n'oublie pas que le nomos de la Terre, c'est les frontières, et la mer, c'est l'espace ouvert, c'est l'Empire anglais. Donc, on est bien sur le triomphe du maritime, puisque le nouvel ordre mondial marche avec l'espace ouvert maritime. Le triomphe de Venise aussi. Le riche ultime aujourd'hui, c'est pas le châtelain. Le châtelain, ça vaut rien. Enfin, c'est pas grand-chose. Le riche ultime le prouve par le yacht. Parce que le yacht, c'est ce qui coûte le plus cher, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça coûte très très cher. Et ça, c'est un vrai sujet politique. La hiérarchie des yachts, qui a des yachts, qui est l'évolution du yacht, tu vois. J'adore ces émissions parce que. On va sortir un documentaire sur l'évolution de la richesse mondiale et de la vision de la richesse et des possesseurs de la richesse par le triomphe du yacht. Quel est le pavillon des yachts ? Le triomphe du yacht sur tout autre. Luxembourgeois, des fois. T'as pas quelques noms, là, d'oligarques russes, là ? C'est le triomphe du yacht sur tout autre signe extérieur de richesse. Le vrai signe extérieur de richesse aujourd'hui, c'est le yacht. Et le yacht, c'est sur l'eau. Hein. D'ailleurs, la municipalité de Venise a même, je crois, a voté des règlements municipaux pour interdire à la suite de cette l'entrée affaire-là. L'entrée des yachts. Voilà, l'entrée de ces bateaux. Voilà, un truc dans ce genre-là. 180 mètres, le plus grand yacht actuellement. T'imagines, on a passé les 100 mètres il n'y a pas très longtemps. On a passé les 100 mètres il y a 10 ans. On est bientôt à 200 mètres. Tu sais, c'est comme les apnéistes, tu sais. Oui. On avait Mayol à 100 mètres. Aujourd'hui, on est à 200 et quelques. Il appartient au cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Environ 400 millions de dollars. Ça doit être beau l'intérieur. Plein de lapis lazuli, plein de putes, plein de drogues. Voilà, c'est Abramovitch, le numéro 2, 162 mètres. C'était Abramovitch, voilà. Oui, qui s'est fait virer par. C'était Abramovitch qui était à Venise à ce moment-là. 162 mètres, il a lui. Et le meilleur copain de Kouchner en plus de. Non, mais attends, tu vois arriver ce bateau, ce yacht de 160. C'est plus un bateau, c'est un immeuble. C'est un immeuble. Moi, j'étais au Hilton sur la Titi. Symbolique du yacht. Qui est en face. Et donc, j'ai les fenêtres qui donnent sur la lagune. Donc, tu vois la place Saint-Marc au loin, tu vois, c'est beau, tu vois, on dirait un tableau de Canaletto. Et tout d'un coup, tu vois, devant ta fenêtre, tu vois passer, tu sais, une encre. Mais une encre, c'est surdimensionné. C'est complètement délire parce que c'est un choc. Tu sais que ces énormes yachts ne peuvent pas rentrer dans les marinas et dans les ports, ils sont obligés de rester au large. C'est invraisemblable. Oui, d'ailleurs, il y a plein de petits yachts qui sont attachés aux grands yachts qui leur permettent d'aller dans les ports, etc. Et le petit yacht, il a lui-même un bombard. C'est pour rien que j'ai écrit Yacht People, qui était quand même la métaphore du nouvel ordre mondial dans toute sa monstruosité. C'est vrai. C'est un problème de liquidité en ce moment, on est bien d'accord. À noter que les 10 premiers yachts du monde sont trustés par les Saoudiens, hormis celui d'Abramovitch. Bah, ils savent pas quoi faire de leur argent. Attends, c'est la planche à billets, ils savent pas quoi en faire. Bah, ils ont pas le droit d'en faire autre chose que des conneries. Exactement, ils ont pas le droit d'acheter des yachts et d'acheter des putes. Pierre Jovanovic, on rappellera à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver votre revue de presse internationale sur votre site, un site qui regorge d'informations, nous le recommandons vivement, www.jovanovic.com. Quotidien.com. Quotidien.com ? C'est plus simple, ils arrivent directement sur la revue de presse. Aussi. www.quotidien.com. Okay. Ainsi que vos nombreux ouvrages sortis aux éditions Jardin des Livres, on en a parlé, 666, 777, l'histoire de John Law, je ne vais pas tous les citer. 888 en préparation ? Exactement. Je le prépare. La plupart de vos ouvrages. Si bien dire. La plupart de vos ouvrages sont disponibles sur le site www.contreculture.com. Nos auditeurs pourront vous retrouver d'ailleurs à Grasse pour une séance de signature ce samedi 24 juin. Vous avez bien fait d'en parler. À la librairie Art et Livres. Pierre Jovanovic, merci beaucoup. Ben, merci à vous trois, c'était génial. J'adore ce genre genre d'émissions parce que c'est vivant, c'est... je veux dire, c'est des émissions qui existaient il y a peut-être 10-15 ans où vraiment les gens étaient accros sur France Inter, etc. Et puis maintenant, c'est merci à ces radios d'exister. Bah écoutez, Pierre, vous êtes le bienvenu sur RFM. Merci à vous. Alain Soral, merci à vous également. Présent. Merci à vous également d'être passé dans l'heure la plus sombre. Nos auditeurs peuvent bien sûr vous retrouver sur le site Égalité Réconciliation, dans notamment un nouveau format de vidéo. Soral a presque toujours raison, qui va sortir bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors j'arrête les Soral répond, qui étaient d'énormes paquets de 5 heures avec énormément de post-production, mais mon monteur et mon oui, il mettait 4 jours, c'est ça. Mon documentaliste a failli mourir pratiquement parce que c'était des mois et des mois d'enfermement. Donc là, je veux pas le pousser trop loin. Je sais qu'il atteint une limite physique. Et puis aussi, on était obligé d'être assez décalé par rapport à l'actualité tellement il fallait de temps. Donc en fait, c'est un peu d'une encyclopédie, c'est des archives. Et puis j'ai fait Soral vite pendant les élections, qui était un petit format rapide sans post-production, qui marchait bien. C'était très bien, ouais. Et là, je fais atteint quasiment 300 000 vues. Hein. C'est ouais, énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Et puis on a soutenu le Front National de Marine Le Pen jusqu'au bout, hein, malgré tout. Hein. On a tu fait le boulot. Que tu as soutenu Louis Alliot. Non, mais malgré Louis Alliot, j'ai soutenu. C'est-à-dire, je sais hiérarchiser les ennemis principaux, les ennemis secondaires, pour citer du Carl Schmitt. Hein. Voilà. Et ce qui est pas le cas de tout le monde, hein. Notamment c'est pas le cas d'Alliot. Et donc là. On va faire on sort un format un peu intermédiaire entre le Soral vite sans post-prod et le Soral répond avec genre 4 heures de post-prod tous les 3 mois. Ça va s'appeler Soral a presque toujours raison parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Disons que je me trompe peut-être un peu moins que les autres. Hein. Et ça sera un format intermédiaire. On est dans le 52 minutes. Qui sortirait tous les mois, voilà. Hein. Et, bah ça, et on va bien, et on va lancer, on va en profiter pour lancer un financement participatif puisqu'on a déjà lancé le tien et que ça marche bien. Qui sera complémentaire donc de celui des reportages. Voilà, parce que là on est sur les reportages, c'est le in vivo, c'est à l'extérieur, et là on est sur les archivistes et les monteurs, hein, donc le travail de studio. Hein, et donc on lance un deuxième financement participatif qui est pour moi et mes archivistes et mes monteurs, hein, parce qu'il y a c'est un gros boulot qu'on ne voit jamais. Ah ça c'est un très très gros boulot. Et ingrat parce ça, que. Je sais, mais ingrat parce qu'on peut même pas draguer des meufs, on est enfermé toute la journée. Donc on lance, on arrête avec l'ancien appel aux dons que je faisais permanent sur le site avec ma gueule en, d'ailleurs que m'a repris Mélenchon, tu sais, en prisonnier, en politique, c'est-à-dire en déporté politique, parce qu'il n'y avait pas, comme vous le savez, que les étoiles. Il y avait aussi le triangle rose, il y avait les asociaux, les apatrides, il y avait bien d'autres gens, les droits communs, oui, il y avait bien d'autres gens que ceux qui ont le monopole aujourd'hui de la pleurniche sur le sujet. Avant, on me voyait en pyjama avec le triangle. Là, ça, on va le virer parce que c'est l'ancienne méthode. Et on va se moderniser donc en lançant un financement participatif comme le tien pour moi, mes monteurs et mes archivistes. Et ça va accompagner la première mise en ligne qui est imminente là, de ce Soral a presque toujours raison, qui fera une heure et qui sera une heure avec un peu de post-production, mais pas trop, tous les mois. Voilà. Bah c'est mieux que vous ayez une vidéo tous les mois plutôt qu'une vidéo tous les 3 mois, et tout en étant qu'elle soit payante. Moi, je trouve ça très bien. Les gens s'imaginent que c'est pour ça qu'ils sont sur le web, c'est du gratuit. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, tout le monde bosse. Il y a un loyer à payer. Les gens qui travaillent sont payés. Parce que si on ne paye pas les gens. Je veux dire, franchement, 2 euros. Je ne sais plus combien, c'est 1 euro, 2 euros. Oui, c'est 2. Voilà, je veux dire, c'est pas la mer à boire, si j'ose dire, puisqu'on parle idiote. Eh bien, nous suivrons tout cela avec intérêt. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure la plus sombre. À la semaine prochaine. Et peut-être une petite pub pour Fait et Documents. Oui, faitetdocuments.com. Et puis vous pouvez nous retrouver à la librairie Facta au début de la rue de Clichy. Voilà. À Paris. 17e, je crois. Non, 9e. 9e. Trinité. Le quartier de Johnny Hallyday et de Jacques Dutronc. D'accord, je sais pas. Quant à nous, chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et nous allons nous quitter en musique sur les notes de Siren. Son album Iter Animae est disponible sur le site www.contreculture.com. Nous allons écouter le titre Intérieur. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.